Chapitre 25e. Thérèse avait pris le colonel par la main, et passant la première, elle l'avait introduit dans une pièce obscure. « Voulez-vous ne pas bouger avant que j'allume une lumière ? » dit-elle en lui abandonnant la main. Cette lumière allumée, il vit que ce que Thérèse avait appelé sa chambre était à vrai dire un atelier, car le lit, caché dans une alcôve fermée par des rideaux en perse fleurie, n'était point apparent, tandis que le regard était tout d'abord attiré par une grande table en bois blanc sur laquelle se trouvaient étalés tous les objets nécessaires au travail de la peinture sur porcelaine. Contre les quatre murs étaient attachés avec des clous à chaque coin des esquisses et des gravures, point de glace, point d'objets de toilette, deux chaises en paille pour tout meuble et une petite bibliothèque dont les rayons étaient chargés de livres. Mais contrairement à ce qui se voit dans la plupart des ateliers, on remarquait dans celui-là un véritable luxe de propreté. Le carreau, passé à la couleur rouge, brillait comme un miroir, et les barreaux des chaises semblaient sortir des mains du vernisseur. Deux portes donnaient accès dans cette chambre. L'une ouvrait sur l'entrée, l'autre sur l'atelier d'Antoine. Bien que cette dernière porte fût fermée, on entendait de la chambre tout ce qui se disait dans l'atelier. Et au premier mot, le colonel comprit que les amis qu'Antoine avait réunis discuter en ce moment une question politique. De là, sans aucun doute, la précaution prise par Denisot de monter la garde dans l'escalier. « Voulez-vous prévenir mon oncle que je suis arrivé ? » dit-il, « qu'il ne se dérange pas, mais qu'il sache que je suis là. Il a dû nous entendre. Cela n'est pas certain, et je serais bien aise qu'il sût que de cette chambre, il m'est impossible de ne pas entendre ce qui se dit de l'autre côté, même en me bouchant les oreilles. » Elle fit ce qui lui était demandé et passa dans l'atelier. Mais presque aussitôt, elle reparut. « Mon père vous prie de l'attendre, » dit-elle. « La réunion sera bientôt terminée. » Alors le colonel, voulant s'éloigner de cette cloison trop mince, se dirigea vers la fenêtre qui était restée ouverte. « Je vous avais promis de vous montrer mon jardin, » dit Thérèse. « Le voilà. Vous voyez que nos fleurs se sont bien conservées. » En effet, les fleurs, arrangées dans des vases qu'on ne voyait pas, n'étaient point défraîchies, et les herbes avaient conservé leur verdure. Le colonel voulut engager une conversation avec Thérèse qui l'empêcha d'entendre ce qui se passait dans l'atelier. Mais après quelques paroles, il comprit que tout ce qu'il ferait dans ce sens serait inutile et que rien n'empêcherait le bruit des voix d'arriver jusqu'à eux d'une façon nette et intelligible. « Ainsi, disait la voix qui parlait en ce moment, tu nous refuses, Antoine. Je vous répète ce que je vous ai dit, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas. C'est la première fois que tu prononces un mot pareil. C'est vrai, et je vous promets qu'il me coûte, car vous devez bien penser, sans qu'il soit nécessaire que je fasse des phrases pour vous le dire, que je suis sensible à la confiance que vous mettez en moi. Si j'avais jamais travaillé pour notre cause en vue d'une récompense, celle que vous m'offrez aujourd'hui serait celle que j'aurais désirée. Mais encore une fois, je ne peux pas accepter. Je ferai remarquer, dit une autre voix, que quand nous avons parlé, il y a quelque temps, de notre intention devant Antoine, il n'a pas dit qu'il ne pourrait pas accepter. Cela est vrai. Mais alors, les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Allons donc, pour moi, je veux dire. Si Antoine ne peut pas accepter, dit une petite voix flûtée, il me semble que nous ne devons pas insister. Il est assez grand pour savoir ce qu'il doit faire. Et d'autre part, je répète à propos de lui ce que j'ai toujours soutenu, c'est qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Ce que l'un ne fait pas, un autre peut le faire. Il s'éleva quelques murmures qui furent aussitôt couverts par une voix forte qui ne s'était pas encore fait entendre. « Si Jacou parle ainsi, dit cette voix, c'est qu'il n'a pas vu Antoine à l'œuvre. Je n'ai pas attaqué Antoine, cria la voix flûtée. Non, seulement vous avez parlé comme quelqu'un qui ne le connaît pas, et c'est tout naturel puisque vous arrivez de votre province. Moi aussi, en principe, je pense qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Mais quant à l'affaire présente, je soutiens que nous avons besoin d'Antoine, qu'il nous le faut. Et je vais vous le démontrer en vous rappelant son rôle dans ces derniers temps. » Le coup de 1852 avait été si rude qu'on en était resté comme paralysé. Et l'on peut bien dire que pendant 10 ans, nous avons dormi en France. D'autres sont peut-être restés veillés, mais nous autres, nous dormions. Est-ce vrai ? Oui, oui, dirent plusieurs voix. Les vieux n'avaient plus de cœur à rien, les jeunes pensaient à autre chose. C'est à l'exposition de Londres qu'on a commencé à s'éveiller. On avait un tel besoin de se secouer et de se remuer qu'on se serait jeté sur n'importe quelle idée. C'était la première fois que des travailleurs de divers pays se trouvaient réunis pour tâcher de s'entendre et de s'organiser. Naturellement, on a dit bien des paroles inutiles, et il y eut plus d'aspirations que d'idées pratiques. Les Anglais voulaient traiter le travail par les grèves, qui leur semblait un remède unique. Les Français voulaient tout simplement revenir à la vie. Dans tout ce qui a été entrepris alors, je pourrais, si j'en avais le temps, vous montrer la main d'Antoine, et une main habile, tout autant que ferme. Si vous l'aviez vue, si vous l'aviez entendue, à son retour de Londres, vous comprendriez quelle secousse ce était pour nous. « C'est vrai, » dirent quelques voix. Bientôt arrive la crise des cotonniers. Ce n'est pas inutilement qu'on a réveillé le principe de la solidarité. Des ouvriers, des frères, des Français souffrent et meurent de faim. Que pourrait-on faire pour eux? Vous savez ce qu'on a fait, vous, Jacques, puisqu'une partie des secours a passé par vos mains pour vos camarades de la Normandie. Et vous aussi, Moll, puisqu'il en a été de même pour vos camarades de l'Alsace. Mais comme on l'a fait, vous ne le savez pas et je veux vous le dire. Ce n'est pas nécessaire en ce moment, interrompit Antoine. Je ne pense pas comme toi et je trouve au contraire que c'est en ce moment qu'il convient de le rappeler. D'abord parce que c'est une réponse à Jacques, et puis parce qu'il en résulte un enseignement, un exemple bon pour tous. C'était bien de vouloir faire quelque chose, mais avec quoi et comment venir en aide à ceux qui souffraient quand on n'avait rien et que l'on n'était rien? Malgré les difficultés, on ne s'est pas découragé. On s'est réunis comme on a pu, où l'on a pu, en se cachant tantôt dans une salle de marchand de vin, tantôt ailleurs, et on a cherché ensemble. C'est alors que se montrent et se font connaître ceux qui ont des idées, de l'activité et du dévouement. Tant bien que mal, on arrive à une sorte d'organisation. On fait imprimer des circulaires, et dans l'almanach du commerce, on cherche des adresses pour envoyer ces circulaires dans les ateliers. Le premier argent que nous avons obtenu pour ces frais qu'il fallait payer au jour le jour, car on ne nous aurait pas fait crédit, c'est Antoine qui nous l'a apporté, 100 francs, qui lui avait été donné, non par des travailleurs, mais par un bourgeois, et notez qu'il ne lui avait pas caché à quoi il devait servir, et le but que nous poursuivions. C'est avec cela, et comme cela, qu'on s'est mis en marche. Mais le gouvernement avait introduit partout une telle défiance que beaucoup de ceux auxquels nous nous adressions voyaient en nous des mouchards. Le plus souvent, on ne nous répondait pas, on avait peur de nous. C'est vrai. Si la souscription a donné quelque chose, c'est par suite de relations personnelles. Enfin, de cet offert, il restait une organisation. On s'était groupé, on se serrait les coudes, mais pour cela, cependant, le monde n'était pas d'accord. Combien de luttes entre ceux qui, ayant souffert pour la Révolution, ne s'inquiétaient que de la Révolution au nom de laquelle ils croyaient avoir seul le droit de parler, et ceux qui, cherchant tout d'abord une réforme sociale, voulaient bien aider la Révolution, mais à condition que cette fois, elle ne laisserait pas de côté cette réforme. Si l'on ne s'est pas séparé, si on ne s'est pas divisé, à qui l'a-t-on dû ? À Antoine, répondit une voix. À Antoine, c'est vous qui le dites, et d'un seul mot, vous rappelez son rôle. Mais ce n'était pas tout, de mettre l'accord entre nous et d'inspirer assez de confiance aux uns et aux autres, pour être écouté par tous. Si d'un côté, il fallait être assez ferme pour résister à ceux qui croyaient qu'ils devaient être tout parce qu'ils avaient combattu pour la République ou parce qu'ils avaient été proscrits, d'un autre côté, il fallait être assez fin pour ne pas se laisser entraîner par ceux qui proposaient aux travailleurs de se jeter sur les patrons, et bien voir que s'ils nous offraient la bourgeoisie à dévorer, c'était en fin de compte pour faire les affaires de l'Empire et non les nôtres. Je ne dis pas qu'Antoine a été le seul à voir cette manœuvre, mais je soutiens qu'il a été l'un des plus habiles à la déjouer et que par son attitude, par son exemple, il a empêché bien les esprits de s'égarer. Est-ce vrai encore cela? Oui, oui. Eh bien, pour me résumer, je soutiens qu'en ce moment, nous devons employer tous les moyens pour décider Antoine à ne pas persister dans son refus. Le gouvernement, voyant l'influence que prend notre association, veut introduire parmi nous des gens à lui, de manière à nous dominer et à nous diriger ensuite dans la voie qui lui conviendra. Dans ce but, il provoque des réunions pour discuter nos questions et arriver à une entente. Nous, de notre côté, nous avons intérêt à nous servir du gouvernement et à mettre à profit de notre intérêt, certaines facilités qu'il nous offre. Sans doute, s'il s'agissait de rester ferme au poste, en refusant toute entente, cela serait bien simple. Et pour mon compte, j'accepterais bien cette mission. Dire non et toujours non n'est pas difficile. Il suffit de ne pas se laisser gagner ou intimider. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se présentent, et ce n'est pas là ce que nous devons faire. C'est au plus malin des deux. Voilà pourquoi je veux qu'Antoine soit notre homme, et pour que je vous prie de vous réunir à moi pour le décider. Je ne dis pas qu'il est indispensable. Je ne dis pas que si, par malheur, la mort venait à l'atteindre, nous n'aurions qu'à disparaître nous-mêmes. Mais je soutiens que, présentement, il est l'homme qui me paraît le plus capable de soutenir nos intérêts utilement et habilement, avec fermeté et aussi avec souplesse. C'est notre avis à tous, dit la voix de Jacou avec son accent normand. Et si tout à l'heure j'ai fait une observation, elle avait pour but de prendre la défense d'Antoine et non de l'attaquer. Ils peuvent avoir des raisons pour refuser, et nous n'avons pas le droit de le contraindre. « Si, nous en avons le droit !» s'écria violemment celui qui venait de parler. « Et c'est Antoine qui n'a pas le droit de nous abandonner. Je ne vous abandonne pas, mes amis. Je reste avec vous. Seulement, je demande à ne pas sortir des rangs. Croyez bien que je suis avec vous de tout cœur et que je veux y rester. Ce que je refuse, ce n'est pas de combattre. C'est seulement le poste que vous voulez me donner et qu'il m'est impossible d'accepter en ce moment. Il m'en coûte de répondre ainsi à votre démarche, qui me touche vivement. » Mais j'ai des raisons pour cela. N'insistez pas, et au lieu de perdre notre temps, cherchons ensemble celui que nous devons choisir. C'est toi, Antoine. C'est vous que nous choisissons, dirent toutes les voix. Encore une fois, je vous dis que cela est impossible. Je ne peux pas, je ne dois pas accepter. Ah, mon Dieu, murmura Thérèse, mon père sait tout.